Oui, je sais, il ne reste pas grand chose à faire. Oui, je sais qu'il n'est plus là, faudra s'y faire. Ravale tes gouttes lacrymales et prends ta guitare. Même si ça fait mal, même en plein cauchemar. Oui, je sais, il ne reste pas grand chose à faire. Oui, je sais qu'elle n'est plus là, faudra s'y faire. Ravale tes gouttes lacrymales et prends ta guitare, même si ça fait mal.